pense que globalement il y a une esthétique sympa, en tout cas nous au Crucinaire, et on n'a pas envie d'avoir 36 types de séparation. Finalement ça fait un peu jardin de brio au final. Mais c'est-à-dire que chacun a sa manière d'aménager son espace vert. Ce qu'il y a, c'est qu'au début aussi on n'avait pas tous des rideaux, parce qu'on y va petit à petit dans les aménagements. C'est un peu comme ça que je vois les choses. On a tous d'intimité, quand même. Un morceau privé dans un endroit commun. Dans le règlement de copro, les places sont délimitées. On est en train de lier les parkings parce qu'on n'a pas vraiment de place à titrer. Bon, là, je crois que ça dépend si on, si on fait le lit. Sinon, généralement, c'est tout vert. Ça, on n'a pas les côtés très négatifs. Le rideau aussi, pour pouvoir laisser la lumière. On va séparer nos terrasses pour avoir des espaces plus intimes. Et donc, les trois, là, on s'est mis d'accord sur ça, qui était un petit peu... Sur le toit. Ça, c'est des aménagements à venir. D'accord, des terrasses. Ouais, des terrasses, sur le toit, À eux deux, ils devaient faire pareil. Ils n'ont pas fait pareil, ils ont fait autre chose. Un jour, on dit, ok, on se met tous d'accord sur quelque chose, il n'y a pas de problème. Et puis il y a des moments... Ouais, je savais pas que c'était des amis intimes. Non, je les connaissais pas avant, mais depuis qu'on est ici, on se voit très régulièrement, manger les uns les autres. Enfin, ouais, des échanges, par exemple, là, pour aller faire des courses, ça m'a proposé de racheter des trucs. Voilà. Donc même si mon jardin est moins joli que s'il était fermé, je le fais pas. Limite de l'amitié. C'est pas sympa. Parce que, alors, tiens, je pense aux autres. Donc, dans la mesure où on est dans un cadre super convivial, de fermer son jardin optiquement... J'ai une vision très restrictive de ce qui est proche et intime, mais en local, j'aurais personne en fait. J'aurais personne à qui je vais me confier, etc. Pour moi, c'est comme si c'était une maison individuelle. Quand j'arrive ici, je vois pas le reste. Alors, j'ai pas le sentiment de vivre quand je vis les uns sur les autres. On se connaît tous, on se voit tous, on arrive à se prendre la tête sur des questions de quoi. Quand j'ai envie d'avoir un peu de social, d'avoir une vie sociale, ça va, Jean-Marie ? On s'ouvre sur les autres très très vite. Et quand on a envie d'avoir une vie, j'arrive à m'isoler.